Oh! Qu'est-ce que tu fais? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. T'étais là posé sur ton Macintosh comme une merde. Je veux savoir pourquoi tu pionces là comme une merde, tout seul dans la salle de classe. Au revoir. Quoi, au revoir? Je dois bosser là, dégage. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me tutoies? Tu me tutoies, je te tutoie. Il est quelle heure? 11h. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu pionçais comme une merde sur ton ordi, ouais. Mais primo, quand on pionce, on le fait pas forcément comme une merde. De Dio, moi quand je pionce, je travaille. Ouais, c'est ça. Et ma sœur, c'est la Joconde. Ouais, tu sais même pas qui c'est la Joconde. Ah ouais? Ouais, ouais. Eh, la Joconde, c'est un tableau, pauvre naze. Et toi, tu sais pas qui c'est la Joconde? Toi, la Joconde, en fait, tu crois que c'est une station balnéaire où les gays dans ton genre, ils vont se faire bronzer les couilles, là, pareil que la boule. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, hein? Ah, mais tu me prends pour un médin, toi, espèce de poireau. Allez, va te faire bronzer à la boule. La boule, c'est quoi, la boule, là? Ah, tu sais même pas ce que c'est que la boule! J'ai plusieurs hypothèses. Eh, la boule, c'est une station balnéaire, la boule. La boule? Ouais, j'y allais quand j'étais petit. La boule et Scoublac! La boule! La boule et Scoublac. La boule, rien à foutre. C'est les mêmes plages de merde avec des vieux qui achètent des glaces et ils se rendent même pas compte qu'ils meurent. Pourquoi tu rigoles? Je te fais rire? Je parie que t'es un de ces pions de merde qui font la loi pendant 2 semaines et une dépression la troisième. Ils sont tous comme toi, tes camarades? Camarades toi-même. Tu commences à me fatiguer, Kevin. Kevin? Je m'appelle pas Kevin. Pourquoi tu m'appelles Kevin? Kevin, Brandon ou Dylan, je m'en tape. Allez, file en cours. Sale gay. Quoi? Sale gay. Bon, ok, ma claque. Je vais voir le proviseur. Ah bah, il était temps. Hein. Quoi? T'es loin à la détente. Gros gay. C'est quoi ton truc avec le mot gay, là? Je t'insulte, c'est tout. Gros gay. C'est une insulte. La pire. Tu t'appelles comment? Kevin. Mais tu peux m'appeler Brandon, hein, si tu préfères. Dylan, c'est cool pour le dimanche. Tu peux m'indiquer le bureau du proviseur? 3e étage, tournez à droite en haut de l'escalier, fond du couloir, une porte avec écrit son nom de merde, Bélage. Tu sais lire ou faut que je t'accompagne? T'as pas peur que j'aille lui dire ce que je pense de toi? Si, si, j'attends que ça. Ah, pourquoi? Les pions, c'est moi qui les place sur l'échiquier. Je suis pas pion. T'es quoi si t'es pas pion? T'es pas prof. Ça, je peux pas croire qu'un prof, il pionce comme une merde dans une classe. Sauf si t'es aux antidépresseurs, là, tout s'explique. Mais va faire ta déprime ailleurs, nounours. Eh, hey, je te la paye, moi, ta cure de sommeil. Ouais, je suis auteur. Auteur quoi, auteur? Auteur, écrivain, j'écris des livres. Des livres? Tu sais, ces objets en papier, sur les pages desquelles sont inscrits des caractères qui permettent de construire des mots, puis des phrases, puis des... C'est bon, je sais ce que c'est qu'un livre. C'est ça. Et ma sœur, c'est la Joconde. Ah non, non, non, c'est la mienne. T'es en classe dans ce collège? Non, je suis en promenade, je ramasse des pommes de pin. Cette conversation était riche et enthousiasmante, je t'en remercie. Il est temps que tu retournes en cours maintenant. Sans déconner, vous écrivez quoi? Je suis romancier. Ouais? Ouais. Vous écrivez des romans? C'est ça. Qu'est-ce que vous foutez là si vous écrivez des romans? Ah, je sais, ça rapporte pas. Alors vous avez déniché un job de pion pour arrondir les fins de mois, c'est ça? Je suis en résidence d'écriture. En résidence? Eh, c'est pas une résidence ici, c'est un collège. Hein. Tu peux pas habiter ailleurs, sérieux? Une résidence d'écriture, c'est un lieu et un temps pour écrire. T'es là pour écrire? C'est ça. Pourquoi tu pionçais? Je réfléchissais. Tu pionçais comme une merde. Je rêvais. Les rêves sont une source d'écriture essentielle. Y'a pas écrit Rainman, là. Tu me crois sorti du cul d'une handicapée. T'es quand même pas payé pour la résidence. Ils te logent gratis, c'est ça? C'est mon métier. Je suis payé pour exercer mon métier. Moi, tu t'emmerdes pas. Hein. Moi aussi, je peux faire auteur. Je vais aller fumer une clope, moi. Ah, sérieux, je peux t'en taxer une ou pas? Allez, fous le camp. Quoi? Fous le camp, je te dis. Tout fous le camp. Pardon? Ah, tu crois que tu me fais peur, Victor Hugo, là? Victor Hugo, tu connais Victor Hugo? Le footballeur? Ouais, bien sûr que je le connais. Mais non, pas le footballeur, Victor Hugo, c'est un écrivain. Ah bon, c'est pas un footballeur? Bah, peut-être, après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, tu me la files, cette clope, là, Quasimodo. C'est le diable qui t'a envoyé? Eh, le diable, il bosse pour moi. C'est moi qui l'envoie. Tu veux que je l'appelle? Faut vraiment que tu sois un romancier de merde pour t'offrir des résidences aussi minables. Eh, je suis sûr que t'as même pas de bureau chez toi. En fait, tu vis dans une chambre de bonne avec des chiottes sur le palier. C'est ça, t'en chies grave de chier grave. Ah, t'en chies toute ta salive là, toute ta merde. Ah, t'en chies tout ce que tu peux en chier toi. Toi, t'es un peu la Cosette des bouquins, pas vrai? Oh, tu me réponds quand je te parle? Cosette. Et tu savais que Quasimodo et Cosette, c'était des personnages de roman, et c'est Michel Platini qui les a écrits. Abruti. Fils de pute. Hey. Oh, attention. Si tu me touches, je dis à tout le monde que l'écrivain est en résidence dans le collège parce qu'il aime jouer à touche-pipi avec les garçons. Gros gay. T'es tout pâle, hein? Eh, hey, tu respires fort. Eh, hey, calme-toi. Eh, hey, pense à ton cœur. Eh, hey, il va péter ton gros cœur plein de graisse. Merdeux. Merdeux. La vilaine insulte. Oh, merdeux. Oh, je suis méchant. Tu crois que je vais me tirer? Tu crois que tu vas gagner ma chaise? Tu te trompes. Je bouge pas d'ici. C'est toi qui t'en vas, Larry, tout de suite. Blablabla. Ferme ta gueule. Et toi, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ça se dit écrivain, voilà. Ça gueule comme un putois sur un petit jeune homme avide de littérature. Me la joue pas, petit sourire, là. Vous êtes célèbre dans votre village? Ah, suffit. Non, sérieusement, vous crachez où? Et je vous jure, c'est pas pour mettre le feu à votre immeuble. Paris. Eh, moi aussi, j'ai habité Paris. Vous êtes célèbre? Je veux pas te parler. Ah, vous êtes pas célèbre. En fait, vous puez la loose, quoi. Vous puez le gros nounours qui a plus de griffes. Vous avez une femme? Faut me la présenter, votre femme. Hein? Qu'elle voit enfin ce que c'est qu'un homme. Eh ben quand même. Il en faut pour le faire sortir de ses gonds, le gros Winnie la pute. J'ai rarement rencontré... Un cas comme moi. C'est tant mieux pour la patrie, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux? Quoi, rien. Je voulais juste discuter un coup avant d'aller en biologie. J'ai de l'avance sur tout le monde en biolo. Je suis le seul de la classe qui n'est pas puceau. Ravi de l'apprendre. Et d'ailleurs, ta femme, elle a adoré. À demain, Marcel Pagnol. Le gamin sort. Pendant un moment, je ne bouge plus. Rien que le mouvement invisible des cils sur mes yeux pour me rappeler que je suis vivant. Cils. Rien. Cils. Rien. Cils. Rien. Rien. Rien. Encore. L'œil qui s'humecte, puis les cils. Respirer. Silence retrouvé. S'essuyer le front. Silence. Ce silence-là. Qui pue la loose, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais dans ce bahut? Je cherche un sujet. Je cherche une histoire. Je cherche à éviter une histoire. Je cherche au moins une phrase. Je viens gagner en une semaine les 1500 euros de mon mois. Qui prétend qu'on peut écrire un roman dans un collège public? Quel responsable du développement culturel au sein de quel conseil général pense raisonnablement qu'il est possible de pondre dans un bahut de banlieue autre chose qu'un rapport détaillé sur les maladies nerveuses? À mon troisième jour de présence au collège Jean Moulin, je découvre une chose qui s'annonce fondamentale pour le reste de mon séjour. Je peux dormir assis. Salut. J'ai une interro de match, je peux pas rester longtemps. Oh, quel dommage. Et sinon, comment ça va le bise? J'ai parlé de toi avec le proviseur. Arrête, Pinocchio, je sais, t'es trop gentil pour être une balance. Pardon? Oh, le mensonge, gros comme toi. C'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit, ce gros gay? Il m'a dit que t'étais gay toi-même. Que c'était très refoulé, qu'il fallait prendre de grandes précautions dans mon dialogue avec toi, ce que je m'efforce de faire. Moi, je suis gay. C'est ce que m'a dit le proviseur. Il vous a dit ça, le proviseur? Pas méchamment. Attends, vous êtes allé le voir et il vous a dit que j'étais gay? Il m'a simplement informé de tes préférences sexuelles afin que je puisse en tenir compte quand nous dialoguons. Le proviseur, il n'a pas le droit de parler de ma vie privée à n'importe qui. Les trucs qui sont dits entre mes parents et le proviseur, ça reste entre eux. C'est entre nous, mes parents, le proviseur et moi. Toi, t'es qui pour venir fourrer ton gros nez là-dedans? Si le proviseur, il dit des trucs sur mon compte, je te jure qu'il finit en cabane, ce fils de pute de Nardine Bebek! Quoi? Quoi, quoi? Rien, je comprends pas. C'est pas vrai, hein. J'ai pas vu le proviseur ce matin. Il t'a rien dit sur moi? Je te provoquais, c'est de la provoque. C'est tout. Mais t'as bouffé du lion, toi, ce matin. T'es gay? Quoi? Non, je te demande si t'es gay. Non, je suis pas gay, toi t'es gay. Pourquoi t'étais sur la défensive quand je t'ai parlé de ça? Parce que je me suis fait violer quand j'étais petit par un gros gay comme toi. Très drôle. Tu trouves ça drôle? Ah, t'es grave, toi. Non, celui qui est grave, c'est celui qui m'a demandé si j'avais une capote et qui s'est marré quand je lui ai dit que j'en avais pas. Je comprends plus très bien ce qu'on est en train de se dire, là. Là, je suis en train de te dire que je me suis fait violer quand j'avais 12 ans. Tu es un manipulateur. J'aimerais bien, mais je suis une putain de marionnette, comme ta grosse pomme. Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de me dire? Tu peux te le mettre au cul, ton petit regard pourri. On dirait que tu mates un enfant rom en train de faire la manche. Y a pas écrit miteux, là. Range tes yeux ou je sors mon cutter. J'étais même pas là pour ça, putain, tu fais chier. Moi, j'étais venu pour sympathiser bien comme il faut avec toi, comme des bons gars qui jouent les bons petits camarades, parler foot et bouquins, tu vois, Zez et Politikos. Y a pas que Victor Hugo et Marcel Pagnol que je connais. Je connais Molière aussi, Marivaux, Flaubert, Balzac, Stendhal, Jules Verne. Tu crois que je suis le raclot moyen de la caille d'escalier? Tu crois que mes mauvaises notes, j'en fais des posters pour ma piole? Bah ouais, bingo. Eh, je suis le dernier de la classe. Je suis dernier parce que c'est mon kiff, point. C'est quoi ton nom d'écrivain? Rémi Brossard. Rémi Brossard? Rémi Brossard, c'est pas un nom d'écrivain, c'est un nom de gâteau. Eh, hey, Papy Brossard, c'est ton père? Non, c'est pas mon père. C'est dommage, ça. Tu m'aurais apporté des bons gâteaux de ton papa. Je dois reprendre le travail. Arrête de me regarder comme si j'étais le triangle des Bermudes. Je te regarde tout à fait normalement. Je te regarde tout à fait normalement. Et comment tu parles, toi? Et heureusement que ton père, il fait des gâteaux. Franchement, ça donne envie de te pardonner des phrases pareilles. Allez, bonne journée. Et ce soir, je vais te chercher sur Google, Rémi Brossard. Et je te préviens, si je trouve rien sur toi, demain, je te marave la betterave. Dis. Quoi? Rien. Tu sais pas, hein? Quoi? Si on m'a mis le trou du cul en chou-fleur pour de vrai ou pour de faux. On peut se parler sérieusement? J'espère que tu mets moins d'adverbes dans tes bouquins que dans ta bouche, sinon ils doivent peser des tonnes. Et pour répondre à la question que t'oses pas poser, ouais. Oui, c'est pour de vrai. La nuit qui a suivi, j'ai longtemps cherché le sommeil. Enfin trouvé vers 4 heures du matin, contre la question qui se posait, se reposait. Avait-il dit la vérité? J'avais 1000 scènes qui me traversaient la tête. Scènes où je le voyais nu, attaché à un radiateur, une médaille autour du cou, ou bien au fond d'un placard, en pleurs, des traces sur le corps. Scènes où je le voyais implorer, appeler sa mère en joignant les mains, les yeux levés vers un bourreau sans visage. Je suis quand même pas le seul à venir vous emmerder. Non, non, rassure-toi, on t'a précédé. C'est mon 5e jour. Dans ce bocal, on commence à vouloir taquiner le poisson. Que des nazes, des poireaux. Ce bahut est plein de racleurs de chiottes. On vous a demandé des autographes? Mais ouais. Ah, l'archouma, bien ce que je disais, que des paillasses. Où est-ce que tu déjeunes? Au resto avec ta femme, après on va baiser. Je suis pas marié. T'as pas de copine? Si. Elle s'appelle comment? Marie-Claire. Comme le magazine? Putain, mais vous avez vraiment la loose dans la famille. Eh, papa Brossard et Marie-Claire, le couple qui tue. Eh, j'espère pas vous croiser au camping cet été. Mais pas très toile de tente. Elle est aussi grosse que toi, Marie-Claire? Tu me vois gros? C'est quoi la question? Quand tu me vois gros? Tout le monde te voit gros, non? Pas elle. Les yeux de l'amour. Ouais. Sont vitreux. Bon, salut. Tu vas où? À la cantine. Tu crèves à la cantine? Ils veulent te liquider, ma parole. Et ta résidence, c'est un règlement de compte, en fait. Ils ont mis un contrat sur ta tête. Hier, c'était la première fois que je voyais des haricots bleus. Je t'ai cherché sur Google. Et alors? 32 000 entrées, c'est pas mal, hein. T'es pas Marcel Pagnol, mais t'es quand même un peu connu. Il y a des bonnes critiques sur tes bouquins, il y a des gens qui disent du bien. Et d'autres qui en disent du mal. Ouais, je voulais pas trop en parler, pour pas blesser ton orgueil. N'empêche, qu'est-ce que tu te fais descendre? Et la vache, ils y vont fort, hein. Ça sac à la serpe, les kleps. On n'écrit pas dans l'espoir de faire l'unanimité. Heureusement. Surveille tes adverbes. Mort de rire. Quoi, vexé? Mort de rire, j'ai dit. Susceptible. Eh, tu crois que tu m'as mis un vent, là? J'ai rien senti souffler, gros gay. Tu me fatigues. D'ailleurs, t'as de ces poches sous les yeux, mon pote. T'auras pas besoin de caddie pour faire tes courses. J'ai mal dormi. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Insomnie. En quelque sorte. Tu te demandais, c'est ça? Quoi? Tu m'imaginais en train de me faire choper comme un lapin par un gros gay en cuir. Arrête. Eh, c'était une blague. Eh, faut pas me prendre au sérieux quand je suis sur ces terrains-là. Moi, je suis un mytho en ligue professionnelle. Désolé si ça t'a perturbé le cibolo. C'était de la provoque pas chère. Je regrette de t'avoir baladé. Je t'ai baladé, excuse. J'ai pas d'ennui dans la vie, mec. Franchement, t'as un petit côté oui-oui à la ferme. Eh, faut pas croire tout ce qu'on te dit, hein. Oui-oui. Tu vas où? Croyable. Où ça? Eh, t'es qui, toi? Papa Brossard, le papa de tous les gens. Je vais bouffer avec ta copine Marie-Claire. On va se faire une bonne salade de museau, et après, je vais la feuilleter de haut en bas et de gauche à droite, en léchant mon doigt à chaque page que je tourne, comme ça. Eh, hey, on t'envoie une carte postale avec un cœur dessiné. Salut, papa! L'après-midi, j'avais un rendez-vous au CDI avec deux classes de 4e pour une discussion autour du métier d'écrivain. Des gamins à chewing-gum, baladeurs MP3 vissés aux oreilles, l'air indifférent. Au milieu de tout ça, quelques visages ouverts, deux ou trois sourires furtifs dont j'ai aimé croire qu'ils étaient bienveillants. Questionnaire préparé, doigt levé. Pour les encadrer, une documentaliste au bord du gouffre et un professeur de français en attente de mutation dans le sud. Bonjour monsieur. Bonjour. Depuis quand vous écrivez ? J'écris depuis toujours. Tous les jours un peu, pour vérifier que je ne suis pas mort. Absence totale de réaction à cette première réponse totalement fabriquée. La situation me fait chier. Et pourquoi vous écrivez ? Je viens de vous le dire, pour vérifier que je ne suis pas mort. Mais ça veut dire quoi ? En écrivant, je me retire pour dire au monde que je suis là. Que je suis à l'écart du monde et pourtant au centre des choses. Je suis hors de la vie et pourtant le plus vivant que si j'étais en elle. Absence totale de réaction, premier bâillement, digestion assassine du poulet pas assez cuit de la cantine, rot caché dans les écharpes. Je sens que ça va être long. Mais vous écrivez depuis quand, du coup ? Merci. Question déjà posée. Est-ce que vous avez un autre métier ? Non, je n'ai pas d'autre métier que celui d'écrire. Je gagne ma vie en écrivant des romans. Je ne suis pas riche, mais je gagne ma vie. Et monsieur, comment on devient écrivain ? En écrivant. En jetant ce qu'on a écrit, en réécrivant, en lisant les livres des autres, en les relisant. En regardant au fond de la littérature. En écoutant tout ce qui peut s'entendre dans les mots. Ce qui peut s'écouter peut s'entendre et ce qu'on entend peut s'écrire. À condition qu'on écrive contre ce qu'on entend. Il y a toujours un refus. Écrire est un refus. J'ai pas compris. Je répète pour mademoiselle. Comment tu t'appelles ? Alison. Je répète pour Alison. Alison me fixe de ses grands yeux bleus, pleins d'un bleu que même face au plus vaste océan, je n'ai jamais connu aussi vide. Alison provoque chez moi une mélancolie immédiate. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, je m'en fiche. Merci Alison. Alison a l'air complètement abrutie. Je voudrais dire à cette petite... Alison, tu es un abysse de conneries. Ça se voit, ça se lit immédiatement dans tes yeux de jeunesse de 13 ou 14 ans. Soigne-toi ou bien disparais. Le poulet de la cantine tente de remonter le long de mon oesophage pour qu'on le gave à nouveau de grains infâmes, qu'on le cuise à nouveau, qu'on le bouffe à nouveau. Phénix indigne. Question suivante. C'est quoi le titre de votre premier livre ? La diagonale du milieu. C'est quoi l'histoire ? Il n'y a pas exactement d'histoire. Disons que je ne m'intéresse pas vraiment aux histoires. Les histoires se ressemblent toutes et cherchent toutes à ressembler au réel, comme s'il fallait toujours parler du réel. Et le réel ne m'intéresse pas. Je trouve les préoccupations humaines extrêmement vulgaires et les sentiments sont banals. Les destins sont produits en série. C'est un enfer pour la littérature. Vous l'imaginez ? Non, ils ne l'imaginent pas. Ce sont des veaux, des génisses, des veaux, des bovins de 13 ou 14 ans qui ne penseront bientôt qu'à baiser dans le premier buisson. Qu'est-ce que je fous là ? Scander mon refus du réel et des histoires, quel con. Tout ça pour 1500 euros, tu es pathétique, Rémi. Que penserait de toi Samuel Beckett ? C'est quoi votre livre préféré ? De ceux que j'ai écrits ? Oui. Le meilleur, c'est toujours le prochain. Pourquoi ? Celui dont on sait rien, dont on se promet à soi-même qu'il sera meilleur que les précédents. C'est une réponse de merde. Une réponse d'écrivain de merde. Tous les écrivains répondraient ça, cette merde de réponse-là. Tant pis pour leur gueule. Ils me rendent médiocre, ces tarés. Il faut que je quitte ce bahut avant de finir avec la cervelle d'Alison. Le livre que j'ai préféré écrire, c'est Le cercle à l'intérieur du carré. Celui que je préfère relire, c'est Carnaval sans masque. Et pourquoi vous êtes dans notre collège ? Comment tu t'appelles ? Jalil. Jalil, j'ai envie de te répondre que je suis dans ton collège parce que c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour anéantir toute velléité d'écriture. C'est ma trouvaille la plus éclatante pour me sentir merdique et désespéré. Je suis dans ton collège parce que je sais dormir assis. Je suis dans ton collège, Jalil, parce que je n'ai rien à faire de mieux. Marie-Claire bosse tout le temps, et quand elle ne bosse pas, elle veut me faire un enfant. Les cafés parisiens m'emmerdent, les terrasses de café regorgent d'acteurs, de chanteurs, d'écrivains. Quelle horreur. Dans ton collège, Jalil, je peux faire croire que j'écris un roman qui promet d'être formidable et dormir assis. Tout ça pour 1500 euros par mois, pour une semaine de présence par mois pendant 6 mois, soit 9000 euros en tout, Jalil. Voilà le topo. Et puis je t'en pose des questions. Monsieur, je vous ai posé une question. Est-ce que je te demande pourquoi tu te mets des coups de rasoir dans les sourcils ? Pourquoi vous êtes dans notre collège pendant tout ce temps ? Ah oui, excuse-moi, Jalil. Eh bien, je travaille actuellement à un nouveau projet d'écriture, un roman. Et je souhaite me confronter à l'énergie, au dynamisme de la jeunesse, cette vitalité que vous incarnez, si précieuse. Oui, je voudrais l'approcher, afin d'impulser à mon livre quelque chose qui serait, comment dire... Je sais plus. Mais je sens que c'est le bon endroit pour trouver quelque chose qui s'approcherait de ce que je cherche, au fond. C'est quoi ce que vous cherchez ? Le rien. C'est quoi rien? Ça veut dire quoi? C'est le sujet de tous mes romans, au fond. C'est le rien, c'est la langue à l'état pur. La langue comme source première et dernière de jubilation. La langue comme extension du monde. La langue en tant qu'au-delà du réel, extase souterraine, matrice et destination. Je crois qu'il faut reformer les lois, d'abord les lois physiques, par une légèreté retrouvée dans la langue, sans ancrage fictionnel réducteur, sans tout ça, tout ce... bref, enfin... pas de fable, pas de personnage, pas de situation, pas de sujet de société qui transparaît et assassine tout élan vers le rien. Sinon, c'est un appel lancé à l'écœurement. Je crois que c'est clair, quand même. J'ai pas compris. Allison me fixe de ses grands yeux cons. Je me vois les lui crever à l'aide du stylo bic qu'elle mâchonne. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Tous ces gamins décérébrés. J'en viens presque à regretter la morgue de Maximilien. Je pense à ce petit connard, où est-il? Je pense à lui comme à quelqu'un qui saurait presque me tirer de ce mauvais pas. Je déraille. Je déraille complètement. Je demande une bouteille d'eau. Je cherche à gagner du temps. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes célèbres? Question suivante. Eh, monsieur, vous êtes déjà passé à la télévision? À l'aide. Hey, il paraît que vous avez rencontré les quatrièmes hier. Vous savez comment ils vous appellent, les quatrièmes? La grosse merde. Hey, je leur ai rien dit, moi. La grosse merde, ils ont trouvé ça tout seul. Hein. Ils vous ont vu hier et ils se sont dit, lui, c'est la grosse merde. Et puis, il y a ceux qui vous appellent Shrek. Shrek, c'est sympa. C'est plus sympa que la grosse merde. Pas bavard aujourd'hui. Tu me fais chier, dégage, petit con de merde. Tu chlingues. Casse-toi, tu pues les pieds. Vous pouvez répéter, là. Y'a pas écrit Coco le perroquet, petite merde. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Je te parle comment? Comme un chien, comme si j'étais une merde. T'es une merde. T'es le cœur même de la merde. Y'a la merde et toi, t'en es le centre, le cœur de l'étron. Vous avez pas le droit de parler comme ça aux élèves? T'es pas les élèves. T'es une petite merde avec deux jambes qui puent. Vous êtes écrivain, vous pouvez pas parler comme ça, faut montrer l'exemple. Quel exemple? Vous pouvez pas dire merde tout le temps, c'est pas vos mots. Tu pues des pieds, on dirait que t'as 5 ans. Continue de me vouvoyer. Mais tu rêves. Moi j'étais venu bien posé, plein de bonnes résolutions. Genre, il se fait flinguer par tout le collège, les beaux costards à papa brossard, ça devient tellement la mode que je voulais calmer le jeu, moi. Mais tu me parles avec de la merde plein la bouche. Alors que je venais gentil, mignon, te caresser dans le sens des poils, c'est pas bien. Hein. Casse-toi la merde. Arrêtez, je vous dis. Mais ça se fait pas, faut pas que vous parliez comme ça. Pourquoi? Mais parce que vous êtes écrivain, vous êtes auteur de bouquins. Y a pas merde à toutes les pages dans vos livres. Je t'encule. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit je t'encule. Maintenant casse-toi, je dois écrire. Sur ma vie, ça me choque. Qu'est-ce qui te choque, petite merde? Arrête, je te dis, arrête ça. Qu'est-ce qui... Mais vous écrivez des bouquins, merde! Vous avez oublié ça ou quoi? Faut rentrer chez vous là, sinon vous allez finir collégien. Un type qui écrit, il utilise pas de gros mots, pigé? Alors toi, tu peux en utiliser et moi pas. Moi c'est mes mots. Est-ce que je vous prends vos mots, moi? Non? Non, je vous laisse peinard avec vos adverbes et vos phrases bien compliquées qui ont mis la migraine à tous les quatrièmes. C'est quoi le contraire de fan club? Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez. Eh, y a pas tes mots et puis les miens. On pioche dans le même dictionnaire pour se parler. Ah ouais. Ah ça y est, je t'ai calculé, toi. T'as trop regardé le cercle des poètes disparus. Capitaine de mes couilles. Non, mais je te vois venir à 10 km, hein. Tu crois quoi? Que je vais me mettre à écrire des poèmes et à te les lire en cachette dans le coucher du soleil? Mais il m'a pris pour un bleu, lui. Oh capitaine, mon capitaine, tu crois que je t'ai attendu pour écrire des poèmes? J'ai besoin de personne pour m'enlever la merde de la bouche. Je l'enlève quand je choisis de l'enlever, quand j'estime que c'est le bon moment. Quand je te parle, c'est jamais le moment. Entre nous, il y a des fleuves de merde qui coulent et qui couleront. Tu m'aimes bien. Quoi? Tu m'aimes bien. Et tu sais pourquoi? C'est parce que tu me fais penser à un chien que j'avais quand j'étais petit, un bâtard, avec la truffe abîmée. Ouais. Bah, il me faisait pitié. Et tu me fais penser à Kiwi. Ouais, il s'appelait Kiwi. Allez, bonne journée, Kiwi. Écris-le ton chien. Allez, Alicia! tu veux encore ? Bah rien, c'est le week-end. Je me suis dit que vous alliez pas me voir pendant 2 jours et que j'allais vous manquer. Alors voilà, je passe pour vous consoler. C'est gentil. Faut pas m'en vouloir, hein, pour ce que je vous ai dit ce matin. À propos du chien kiwi ? Mais non, pas ça. À propos de ce que disent les quatrièmes, ils sont jeunes, hein, faut les pardonner. Et pour kiwi, pas d'excuse ? Je l'ai adoré, ce chien. Et pourquoi je devrais m'excuser ? Si je vous compare à lui, faut vous sentir honoré, franchement. Allez, je m'en fous de ton chien, salut. Ok, à lundi ? Ah non, pas lundi, non. Bah, pourquoi pas lundi ? Parce que lundi, je reste chez moi. Et votre résidence ? Une semaine par mois, c'est le contrat. Je peux pas venir moins d'une semaine, mais je peux décider de pas venir davantage. Vous revenez quand ? Le mois prochain. Ah bon ? T'as l'air déçu ? Déçu de quoi ? Déçu ton cul, ma boule ! Ah bon, tant mieux. J'ai eu peur de te faire de la peine. Ouais, comme si vous pouviez me faire de la peine. Allez, rentre chez toi, gros cul. Non, je rentre. Franchement, tu viens de Paris tous les jours, tu rentres tous les soirs. C'est 1 heure de RER, tu sais, c'est pas l'Australie. Hein. Non, je sais pas. T'as jamais été à Paris ? Bah, quand j'étais petit, j'y habitais. T'en as des souvenirs ? Je suis monté sur la Tour Eiffel, mais je m'en souviens plus. Ce sont tes parents qui t'ont raconté ? Ma mère. Et ton père ? Quoi, mon père ? Il est où ? Chez moi, avec ma mère et ma petite sœur. Tu croyais qu'ils étaient divorcés ? Allez, bon week-end. Ah, vous avez pas un de vos bouquins à me prêter ? Quoi faire ? Pauvre con, bah le lire. En tout cas, essayer. Jeter un œil, quoi. Voir si t'es vraiment le baltringue que t'as l'air d'être. Tiens, j'ai ça. C'est mon deuxième livre. La galaxie du panda ? Je dirais pas que ça s'adresse précisément aux jeunes gens de ton âge, mais tu peux le lire en diagonale, en glaner des passages. C'est ça, je vais glaner, moi. Et bon week-end ! Un mois passe, durant lequel me vient parfois l'envie de prendre le RER et de creuser la banlieue jusqu'au collège Jean Moulin, pour y retrouver la place qu'on m'a attribuée dans cette salle aux murs tachés de posters autoritaires. Non au tabagisme, non à l'alcool, non aux rapports sexuels non protégés. Gare à la mononucléose infectieuse, elle est partout. Gare au pollen, il provoque des crises d'asthme. Un mois passe, j'écris des phrases sans relief, n'y prenant pas le plaisir minimal, y raccourcissant mes nuits, m'y cognant la tête. Rien qui soit à la hauteur du rien que je cherche. Même pas un titre. Si, peut-être un titre. Un rien, c'est tout. Je ne sais pas encore. J'ai souvent besoin d'un titre pour commencer un livre. Besoin que le premier titre écrit sur la page soit le bon. Un rien, c'est tout. Est-ce que je suis en panne radicale de talent ? Pourtant, je sais ce que je ne veux pas dire. Je sais ce que je ne veux pas faire. Un mois passe, durant lequel je pense à Maximilien, comme à un fils qu'on n'a pas voulu reconnaître pour s'éviter des emmerdes, un gosse de lâche. Comment me cacher à moi-même que je l'aime bien ? Comment ne pas attendre avec impatience ses impressions sur la galaxie du panda ? Comprendra-t-il mon livre ? Y trouvera-t-il un quelconque écho à ce qu'il vit ou ressent ? Espoir naïf et bouffi d'orgueil. Un mois passe, je picole pas mal avec Christophe, je claque mes 1 500 € en bière, club, chips et Kinder Bueno. Je revois Le Cercle des Poètes Disparus, très mauvais film. Éloge du maître, lyrisme éclaboussant, leçon de vie à gogo, sentimentalisme à l'appel et au râteau, barque. Mais elle me fait chialer, cette double. Un mois passe, je fais l'amour à Marie-Claire, assez peu de fois pour me souvenir que c'était 3. Elle me reproche de ne rien faire quand je suis au bord d'un livre introuvable. Marie-Claire est pénible, voilà ce que je me dis dans le secret de moi-même. Peut-on prétendre aimer une femme qu'on trouve pénible à la première occasion ? De toute façon, je ne veux pas d'enfant, c'est réglé. Je nous donne encore un mois avant qu'on splitte comme les membres d'un groupe de rock qui ne prennent plus assez de drogue pour se supporter. Je suis quand même ennuyé à l'idée de me replonger dans le célibat à 45 ans. D'autant que Marie-Claire est bourrée de qualité. On verra. Je suis paumé quand je me lève trop tôt. J'ai bien fait de marcher un peu. Il faut que je marche plus souvent. Paris est vraiment une belle ville. On est bien comme ça. Dans les parcs à réfléchir. C'est beau, le jardin des plantes. Toutes ces roses. Non, c'est vrai que c'est beau, Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes l'écrivain ? Oui, c'est ça, c'est moi. Je suis l'écrivain, c'est ça. Rémi Brossard ? Lui-même. Je voulais vous rendre ça, c'est votre livre. Ah, merci. Tu es une amie de Maximilien ? Sa petite amie. Ah. Ouais. Voilà. Et il n'est pas capable de passer lui-même, le grand garçon ? Il envoie sa petite amie faire les courses ? Non. Merci en tout cas. Vous êtes pas... Quoi ? On vous a rien dit ? Dis quoi ? Max, il s'est suicidé. Quoi ? Non. Ça va faire 3 semaines. Il s'est pendu dans sa chambre. On va pas en faire tout un plat, il est plus là. Voilà, le bouquin, c'est le vôtre, il vous le rend. Max, il prend tout, il rend tout. Il a écrit quelque chose pour vous à l'intérieur. Le proviseur avait l'air dépassé. Une conjonctivite lui bouffait l'œil gauche, un bouton de fièvre avait éclaté à sa bouche. On savait que Maximilien avait déjà 2 TS à son actif, des mises en scène très élaborées, selon lui destinées à attirer l'attention des parents des missionnaires, phrase toute faite. « Nous ne communiquons pas assez, lui dis-je. Je suis en résidence dans votre collège, mais nous n'avons aucun contact. Vous êtes ici pour écrire, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Rencontrer les élèves, rencontrer les enseignants, j'essaie pour ma part de faire en sorte que cet établissement ne finisse pas comme le Titanic au fond des eaux du département, m'a-t-il rétorqué. Et puis il s'est mis des gouttes dans l'œil. Vous pourriez me donner l'adresse de Maximilien ? Monsieur Brossard, vous êtes un écrivain apprécié par de nombreux lecteurs. Pensez à eux, écrivez. Vous êtes chez nous pour ça, écrire. Un élève s'est donné la mort. Nous sommes tous bouleversés, mais la cellule psychologique que nous avons mise en place fait son travail. Et puis il a sorti de sa poche un tube d'Activir. J'ai quitté son bureau sans un mot. Marché. Les couloirs, les casiers dans les couloirs, les baies vitrées, les portes, le linoléum, partout des voix retenues par les murs. Les voix d'élèves, les voix de profs. Je me suis jamais senti aussi gros. Je marche dans les couloirs du collège. Ça va sonner dans 10 minutes. Est-ce que je rentre chez moi ? Est-ce que je... La phrase. Celle qu'il a écrite sur la page de garde. La phrase à mon adresse, sur la page de garde du livre. Elle est là, cette phrase. Elle sera toujours là. Maintenant, toujours. Je vivais depuis 3 semaines sans savoir que ce petit trou du cul était mort. Personne pour me passer un coup de fil, personne pour me faire part de... Je menais depuis 3 semaines mon train-train d'écrivain qui cherche quoi écrire et vit sur ses 1500 euros et le gosse n'est plus là. Il y a cette phrase sur la page de garde d'un livre que j'ai écrit en résidence sur l'île d'Oléron, dans une maison splendide, prêtée par des amis. Je repense à cette maison, aux semaines passées dans cette maison, à écrire dingue presque continue la galaxie du panda. Ce matin, la seule phrase que je retiens de mon livre, c'est celle qu'il a ajoutée au stylo vert. Pour la première fois, il m'y vouvoie, m'y appelle par mon prénom. Vous avez raison, Rémi. Il n'y a rien. Signé Max. PS, quand je serai mort, est-ce que la vie va me manquer ? Ah. Bon, je m'en vais. Non, reste. Non, je sais, je m'en vais. Reste, ça ne me dérange pas. Travaille. Fais comme si j'étais pas là. Je ferais pareil. Ouais, je relis la crise des années 30 en France, en Allemagne. Enfin, debout, parce qu'on a une interro cet après-midi. Très bien. Vous faites quoi ? Moi ? Oui. Vous travaillez sur quoi ? J'écris. J'écris un livre. Je suis en résidence, tu sais. On appelle ça une résidence. Je viens ici et j'écris. Mais pourquoi vous écrivez dans un collège ? C'est un roman sur le collège ? Non. C'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est toujours un peu compliqué, le sujet d'un livre. Disons que c'est le vrac, le sujet. Des petites choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et des choses qu'on essaie de regarder autrement. J'ai rien capté. Mais je m'en fous, en fait. De toute façon, j'aime pas lire. Qu'est-ce que tu aimes, Alice ? Alix. Pas Alice. Alix, avec un X. Alix. Maximilien, il me disait souvent que j'étais dans lui, à l'intérieur. Parce qu'en fait, les lettres de mon prénom, elles sont dans le sien. A-L-I-X. Puis je déteste le prénom Alice. Alice, c'est vraiment pour les poufs. Moi, je suis pas une pouf, hein. Excuse-moi. Comme si j'avais une gueule à m'appeler Alice. Tu es en quelle classe ? 4e. C'est difficile, la 4e ? C'est quoi la question ? Je te demande si c'est difficile. C'est pas une question, ça. C'est un appel au secours. C'est difficile, la 4e. Autant hurler à l'aide, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la 4e ? Ce que vous voulez savoir, c'est des choses sur Max. Vous voulez savoir pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a écrit ça dans votre livre ? Que vous avez raison, qu'il n'y a rien. Vous voulez savoir si vous y êtes pour quelque chose dans la mort de Max? Non. Si, si. Non, mais non, je... Mais il n'y a pas de mal. C'est un drame. Faut l'éclaircir, non? Vous avez peur, sinon, de plus trouver le sommeil, de voir Max marcher dans vos rêves et vous regarder avec un drôle d'air? Si tu restes dans la salle, tu travailles. Je suis en résidence, moi, j'ai du boulot. Eh, le proviseur, il vous a demandé de rencontrer les élèves et de communiquer. On dirait que c'est pas votre fort. Comment tu sais que... C'est mon père. De toute façon, j'écoute aux portes. Quoi? Oui, t'as bien entendu, Jeanne d'Arc. Tu es la fille du proviseur? Bon, incurable. Comme l'habitude d'écouter aux portes. Est-ce que Maximilien t'a dit quelque chose quand il t'a donné le livre? Est-ce qu'il t'a parlé? Ouais, j'ai du boulot, moi. Si t'es là, c'est parce que tu as envie de me parler. Tu en as besoin. Non. Si? Non. Je suis là parce que c'est le seul endroit du collège où je pensais que personne me ferait chier parce que j'ai envie d'apprendre la leçon dont tout le monde se fout. Je te fais chier? J'ai horreur des adultes qui parlent mal. Je commence à comprendre pourquoi Maximilien et toi, vous vous entendiez si bien. Vous avez même pas idée d'à quel point on s'entendait. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose quand il t'a donné ce livre? Vous voulez savoir quoi, au juste? Rien. Ça tombe bien. Réponds à ma question. Il m'a dit, tu rendras ça à l'écrivain. Est-ce qu'il t'a dit qu'il m'avait souvent rendu visite le mois dernier? J'ai des yeux, ça je l'ai vu par la baie vitrée. Quand je passais dans le couloir. Vous le voyez là, en train de vous baratiner. Max, il a toujours aimé lire. Et écrire. Il écrit de ses trucs. D'ailleurs, je sais pas ce que vous écrivez, Papy Brossard, mais je parie qu'à côté de Max, c'est nul. Il écrivait quoi? Des poèmes, des chansons, même un roman une fois. Un roman? Ouais, une fois. Dans les 100 pages. C'était un ouf. Est-ce qu'il t'a parlé de nos échanges? Max, il s'est pendu un jeudi. Comme le jeudi noir. Un autre jeudi noir. Je te laisse travailler. Ouais, ce serait sympa, ouais. Bonne chance pour ton interrogation. Mon père, il était pas au courant pour Max et moi. On se cachait le plus possible. Donc vraiment, faut rien lui dire. S'il apprend que sa fille de 14 ans, elle a couché avec le caïd du collège, moi, il va me coller dans le privé. Lui dites rien. D'accord. Maximilien, il vous aimait bien, ça se voyait. Tout le temps, il passait ici. Et votre livre, il l'a lu à toute vitesse comme on mange une religieuse au café. J'étais avec lui quand il le lisait. Il répétait, ouais, c'est pas mal, ça me plaît, c'est cool, pas mal cool, il sait écrire le mec. Il m'a rien dit. Il m'a donné le livre, tu le rendras, c'est tout. Vous y êtes pour rien. Max, il était comme ça, il savait pas toujours quoi faire. Faire quoi? Bien faire. Bien faire quoi? Avec la vie. Tu le connaissais depuis longtemps? Depuis la 6e. Enfin, la mienne. Lui, il était déjà en 5e. Ça faisait 2 ans et demi. Et puis, on était ensemble depuis presque 1 an. Le mois prochain, ça fera 1 an. Et à vous, je peux savoir ce qu'il racontait? Il me parlait comme un chien. Alors, pourquoi vous avez l'air si triste qu'il soit mort? Pour dire à quelqu'un qu'on apprécie, on n'emploie pas toujours les mots d'amour. Moi, je lui disais tout le temps « je t'aime ». Vraiment tout le temps, la pluie tropicale. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Sinon, ça crée des malentendus. Je te laisse travailler, Alice. Alix, avec un X, tu veux que je te mette une tête, Papy Brossard? Je t'ai dit qu'Alice, c'est pour les poufs, t'es bouché? Excuse-moi. Eh, si je me tape un 3 mon devoir, c'est ta faute. T'es prévenu, je te dénonce à mon père. Allez, j'y vais. Hasta luego. Il vous parle de moi, Max? Est-ce qu'il vous parle de moi? Monsieur Brossard. Oh! Ah. C'est toi. Je pensais que... Tu me surprends en pleine réflexion, là. Vous pensez à quoi? À mon livre. Toujours. Toujours. Hein. Comment ça s'est passé hier, ton devoir d'histoire? J'ai rien rendu. Comment ça t'a rien rendu? Bon, j'avais rien à dire sur la crise des années 30, moi. L'Allemagne, j'irai jamais. Ils sont trop grands là-bas. Puis de toute façon, je suis juive alors. Ah, tu es juive? Ouais, je suis juive. Ça vous pose un problème? Non, aucun. Bah, je sais pas, on dirait que ça vous pose un problème. Non, je te dis que non, voyons. Vous aimez pas les juifs? Si, bien sûr que si. Enfin, je veux dire, ça dépend des juifs. Certains de mes amis sont juifs, je les aime. Je les aime parce que ce sont mes amis, pas parce qu'ils sont juifs. Mais peut-être que s'ils étaient pas juifs, vous les aimeriez autrement. Comment ça? Non, ce sont mes amis, je les aime parce que ce sont mes amis. Je me dis pas spécialement, tiens, ce que j'aime chez David, c'est son côté juif, tu vois. Bon. Et sinon, ça va? Mais qu'est-ce que vous aimez chez David? Quoi? Bah, votre ami David, là, vous aimez quoi chez lui? Non, je disais David comme ça, pour mon argumentaire. Je connais personne qui s'appelle David. Ah, donc forcément, quand vous parlez d'un juif, il s'appelle David. Mais non. Vous l'avez pas appelé David ? Si, mais bon. Écoute, on va pas passer des heures là-dessus. Hein. Ouais, d'autant que c'est pas vrai, je suis pas juive. C'était pour rire. Et sinon, ça va, vous ? Bien. Bon. Tu n'es pas juive ? Non. Dégage. Quoi ? J'ai besoin de paix pour écrire full camp, petite com. Ouais, je vais aller dire à mon père comment vous parlez aux élèves. Vas-y. C'est ça, ouais, vous allez le regretter. Je vais lui expliquer mon point de vue sur sa fifi qui est juive quand ça lui chante. Tu parles. On parie ? Que de la gueule, ouais. Non, mais c'est bon, restez. Il va encore dire que je fais des histoires. C'est pas bien de se faire passer pour une juive quand on l'est pas. On plaisante pas avec tout ça. Non, mais je recommencerai pas, excusez-moi, monsieur Brossard. J'allais quand même pas vous dénoncer à mon père, hein. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. C'est quand même à cause de vous si j'ai pas rendu ma copie. À cause de moi ? Bah oui, à cause de vous. Je refuse d'être tenu pour responsable de tes mauvais résultats. Tu es bouleversé, c'est normal, Alix. Et je trouve que tu t'en sors très bien. C'est pas grave, une mauvaise note de temps en temps. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir de mauvaises notes, tu sais. Quand on voit le résultat, être obligé d'écrire des livres dans des collèges, c'est pas la vie de star, ça. En effet, ouais. C'est quand même à cause de vous. Pourquoi ? J'ai écrit 3 pages sur mon jeudi noir à moi. Je voulais pas me sentir mal à penser à Max au bout de 5 ans. Puis j'ai commencé à voir son visage avec sa langue avalée et tous les trucs qui se racontent dans le collège. Vous savez, il y a des gars et des poufs là qui parlent de langue avalée. Moi, je voulais faire comme si tout ça c'était pas vrai. Comme si il allait revenir un jour dans une autre vie. Où moi aussi je serais là. Une vie, je sais pas, où on serait tous les deux, lui et moi. Chier. Je voulais pas remuer la vase, tu sais. Tu crois que mon mec, c'est le genre les pieds dans la vase? Ouais, tu le prends pour un pêcheur ou quoi? Mon mec, il vole. C'est un planeur, un zeppelin. Je parie que tu sais même pas ce que c'est un zeppelin. Tu veux que je le lise, ton devoir? Non. Comme tu veux. Maintenant, vous êtes la seule personne qui me relie à lui. Comment ça? Mais non. Si. C'est Maximilien qui me l'a dit. Quand il m'a rendu le livre pour vous, il m'a dit « Rémi Brossard, c'est quelqu'un que j'aurais pu devenir. » Il t'a dit ça? Vous êtes la seule personne vers qui il a eu envie d'aller. Enfin, la seule à part moi, hein, parce que c'est lui qui m'a draguée. Maintenant, je vais penser à vous tout le temps pour penser à lui. Bonjour, Alix. Bonjour, Rémi. Je vous appelais Rémi. Oui. Bien sûr, c'est mon prénom. Je voulais vous demander. Vous avez une femme ? Si j'ai une femme, oui, non ? Enfin, c'est une amie, j'ai une amie. Une petite amie. Une compagne. Ça s'appelle comment ? Marie-Claire. Ah ouais, c'est tarte, c'est dommage. Elle aurait pu s'appeler Beverly. Beverly ? Ouais, Beverly, ça claque. Rémi et Beverly ? Ah non. Non, dans ce cas-là, faut changer votre prénom. Si elle s'appelle Beverly, vous pouvez pas vous appeler Rémi. Faut changer. Faut prendre un prénom neuf. Du genre Clarence. Clarence et Beverly. Je pense que c'est pour ça que vous vendez pas des masses de bouquins. Rémi Brossard, ça donne pas vraiment envie de se jeter dessus. Qui t'a dit que je vendais pas beaucoup de livres ? Si vous vendiez beaucoup de livres, on se serait jamais rencontrés. Je peux vous demander votre numéro ? Mon téléphone ? Pour vous envoyer des textos. Je peux vous envoyer un de temps en temps. Vous direz rien, Marie-Claire, les femmes, elles sont jalouses. Je lui donne mon numéro de téléphone, obéissant à une impulsion absurde. J'ai l'impression qu'Alix saura en communiquer les chiffres qu'il compose à Maximilien, accordant sans le savoir à la communication amoureuse des vertus surnaturelles. Au fond, c'est à Maximilien que je donne mon téléphone, le priant sans le savoir de me rappeler que nous échangions quelques mots. Rappelle-moi. Vous connaissez Shockport ? C'est quoi ? Maxico, il écoutait tout le temps la même chanson. Days of Nothing. Vous voyez, il est pas venu vers vous par hasard. Le soir, je rentre à Paris. Pas envie de voir Marie-Claire. Elle va me parler gosse. Faire un gosse, elle va encore m'en parler. Marie-Claire n'est jamais aussi pénible que quand elle me parle de faire un gosse. Je me confronte soudain à sa maturité de femme exemplaire ainsi qu'à ma lâcheté d'homme déclinant volontiers toute responsabilité. Je vais pas l'appeler. Rien lui dire. Rester tapis dans le noir de l'appartement. sous une grosse couverture, fourrer mon gros corps sous une grosse couverture et espérer qu'il maigrisse sans effort. J'accorde aux grosses couvertures les mêmes vertus surnaturelles qu'à la communication amoureuse. L'appart est dégueulasse. J'ai rapporté de plusieurs endroits du monde des bibelots assez jolis qui, sous un centimètre de poussière, ont l'air de merde infâme fabriquée en série. Il reste des chips. Chips et Kinder Bueno. Très bien, cette soirée. Premier texto. Salut, Laurence. Je réponds, salut, Beverly. Je ne sais pas pourquoi. C'est con de répondre, salut, Beverly. C'est inconsidéré. Elle répond, MDR. Je réponds, MDR, à mon tour. Je me vois en train de taper MDR sur le clavier de mon smartphone. Je suis con, quoi. Je cherche quoi, là? Je cherche la merde, moi. Je cherche à foutre la merde en moi-même, comme si c'était pas déjà la merde intégrale. Le pays de la merde, le pays de la merde intégrale. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas lui répondre « Je mange des chips et des Kinder Bueno ». Je ne peux pas lui dire que je suis chez moi, affalé dans le canapé en train de sympathiser avec des lipides. Non. Je lui réponds « Dîner en ville avec des amis comédiens ». Elle répond « J'hésite un long moment avant d'ajouter quelque chose à son « waouh ». Finalement, j'envoie un quatrième texto. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai jamais écrit « qu'est-ce que tu fais ?» en un seul mot. Jamais avant ce texto pour Alix. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Quand j'écris un texto à Marie-Claire, il fait 15 lignes, je mets les points, les virgules, parfois les points-virgules. « Sur mon lit, petite culotte, je pense à toi. » Je n'aurais jamais dû lui demander ce qu'elle faisait. Je n'avais aucune raison de m'intéresser à ce qu'elle faisait. J'attendais qu'elle me parle de Maximilien, qu'elle finisse par me parler de lui, par me dire les choses que je voulais entendre. Vous n'y êtes pour rien, monsieur. Rien du tout. Votre livre non plus. Un livre ne peut pas sauver la vie de quelqu'un. Il ne peut pas non plus la lui prendre. Au lieu de ça, sur mon lit, petite culotte, je pense à toi. Quelle voix de l'au-delà m'a soufflé le texto suivant? Quel fou suspendu sur ma tête jouant au domino dans mes neurones? Au lieu de briser là, d'envoyer la gamine valser dans les cordes, je tape sur mon clavier les mots suivants. « On nous sert un magnifique bœuf bourguignon. » Elle répond. « Comprends pas. » J'arrête les frais. Je jette le téléphone à l'autre bout de la pièce comme si c'était un crabe. « Tu dis plus rien. » Lise répond. « Bon, bah tant pis. » Je me rhabille. Je déconne. Je suis en pyjama. Bon, allez, fais pas la gueule. T'es trop occupé avec tes amis. Je te laisse. Allez, quoi? SOS. S.O.S. Bonne nuit. Je te laisse. Avec ton bœuf bourguignon. Double ration de chips. Manger, boire. Une Corona qui traîne dans le frigo, sous une Batavia dont le décès a été constaté plusieurs fois. Je ne l'ai pas, comment dire. Je n'ai pas pensé à Alix en petite culotte. Je n'ai pas eu envie de la voir en petite culotte. Je n'ai pas eu envie qu'elle l'enlève. Je n'ai pas eu envie de ces petits jeux salaces. Je ne suis pas lubrique. Je condamne la drague virtuelle des paumés du net. Je ne suis pas lubrique. Je n'ai jamais couru à poil sur la grande plaine de mon petit écran excité par des présences absentes. Je ne suis pas lubrique. C'est une gamine, je le sais. À aucun moment, je ne l'ai oublié. Comment on efface ces trucs-là? Il faut que j'efface les mots qui traînent, la petite culotte, le bœuf. Qu'est-ce qui m'a pris? Il faut que je parle à Marie-Claire. Je l'appelle. Elle ne répond pas. Elle doit dormir. Je lui en veux. Je pense à Alix. Je lui en veux. Je pense à Maximilien. Je lui en veux. Je pense à moi. Je lui en veux. Je télécharge la chanson Days of Nothing de Chalkboard. Je l'écoute. Je mets un coup de poing dans la porte de l'armoire. Je chante en yaourt en maltraitant ma guitare invisible. Je me prends les pieds dans le tapis, manque de heurter mon front au coin de la table basse. Je touche le fond. T'as dormi? Non. Ah bon? Tu peux sortir de la salle, s'il te plaît? J'ai besoin de me concentrer, vraiment. Besoin de me concentrer un maximum. J'ai besoin d'un maximum de concentration. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Eh, je rigolais hier soir, hein. C'était pour rire. Moi, j'étais pas en petite culotte sur mon lit, j'avais un vieux t-shirt qui m'arrive au genou. Ce serait parfait si tu pouvais te taire maintenant. Je peux rester si je me tais ? Non. Eh, c'est pas chez vous le collège, hein. Moi, j'y suis plus chez moi que vous chez vous. Je vais aller dire à mon père que vous marcelez, que vous m'envoyez des textos lubrifiés, là. Moi, j'ai les preuves dans mon téléphone. Et ça pourrait vous coûter très cher, hein, de jouer avec une fille de mon âge. C'est ma grande sœur qui m'a appris à calmer les hommes. Ouais, j'ai une grande sœur, faut la voir, c'est un danger public. Elle s'appelle Jean-Cyan. J'ai une chose à vous demander. On dirait que tu penses jamais à lui. Tu as bâti un mur de 100 mètres de haut entre sa mort et toi. Chacun de tes gestes parle de ce mur-là. Chacune de tes phrases sert à contourner le mur. Hey, arrête de me prendre pour un maçon, Rémi. Baisse d'un cran. Non, toi, baisse d'un cran, toi. J'ai 14 ans, vous devriez avoir honte de m'envoyer des messages pareils. J'ai honte. Ouais, bah la honte, elle efface pas les messages. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que vous écriviez notre histoire à Max et moi. Comment ça ? Je sais que ce que vous cherchez, c'est rien. Écrire sur rien, soi-disant. Écrire un livre qui parle de rien. Bah franchement, comme idée, c'est vraiment con. Hein. Si on écrit, c'est pas pour rien, non ? Sinon, autant rien faire. Écrire un livre sur rien ne revient pas exactement à ne rien faire. Bah, il sera à chier, votre bouquin. Personne le lira. Il servira à rien, il servira à personne. Il servira qu'à vous, à vous faire plaisir à vous et à personne d'autre. Il y aura personne au bout de votre livre. Vous écrivez quand même pour quelqu'un, non ? Non. Bah, toutes les choses qu'on fait, c'est pour quelqu'un. Ça aussi, c'est ma sœur qui me l'a appris. Et bah, ta sœur, c'est une grosse conne. Quoi ? Tu commences à me courir sur le haricot, ouais, toi. Ouais, je vais le dire à mon père, je vais tout lui balancer, tu vas voir c'est qui la grosse conne. Si j'ai envie d'écrire un bouquin sur rien, j'écris un bouquin sur rien, merde. J'en écris deux même si je veux. Sur rien, pour rien, pour personne si je veux. Petite pute, je vais t'éclater la gueule, moi. Comme si tu savais ce que c'est qu'une œuvre littéraire. Va voir ton père, hein. Rien à foutre. Il s'est rien passé. Je n'ai rien à me reprocher, ces textos c'est du pipi de chat. Bien sûr que je vais écrire un livre sur rien, bien sûr que oui. Et ce sera un grand livre sur rien. Une aventure de l'être et de l'esprit dans la langue. C'est ça, c'est la langue. Évidemment, tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que la langue, petite connasse, et ta grande sœur non plus. Vous êtes deux connasses, vous comprenez rien. C'est quoi ça ? Un gâteau. Qu'est-ce que tu fais avec un gâteau ? C'est ton père qui me l'envoie ? Le phare au pruneau ? Non, c'est la documentaliste, Madame Filinge. Quoi ? Oui, la documentaliste. C'est qui la documentaliste ? Madame Filinge. Je la connais ? Que j'en sais. C'est la documentaliste qui t'a dit de m'apporter ce gâteau. Bah, elle m'a chopé là dans le couloir, elle était essoufflée, elle m'a dit qu'elle voulait pas vous déranger, je sais pas, qu'elle allait vous voir en salle des profs à midi. Elle est comment, Madame Filinge ? Une petite brune avec des lunettes de vieille. Elles sont toutes comme ça dans la salle des profs. Elle a l'air de vous connaître. Ah bon ? Mmh. Elle a les yeux vachement bleus et elle porte tout le temps des jupes genre UEFA. Ah, Valérie. Ah bah oui, d'accord. Mmh, vous connaissez son prénom, vous savez pas que c'est la documentaliste du collège. Vous parlez de quoi dans la salle des profs ? Non, non, on sait jamais vraiment. Enfin bon, écoute. Ça ne te regarde en aucun cas. Hein. Laisse le gâteau et retourne en cours. T'as pas cours ? Si, on dirait que t'as jamais cours. Si, j'ai cours. Alors, ciao. J'ai pas été voir mon père. Pourquoi ? Bah, je suis tombée sur l'autre taré, là, qui m'a refilé son cake. Tu peux aller voir ton père, maintenant. J'ai pas envie. Je veux que vous écriviez notre histoire à Maximilien et moi. Que j'écrive votre histoire ? Pas obligé que ce soit un long roman, hein. Je n'écris pas sur commande. Mais je vous commande rien, je vous le demande, c'est tout. Max, il aurait été super fier que vous écriviez notre histoire. Et même si ça prend 3 pages, hein, vous êtes quand même un vrai écrivain. Allez, file en cours, ça a sonné depuis un bail. Ne mets pas ton père en situation délicate. On peut se voir en fin de journée ? Non. Je serai là à 17h. Et je vous préviens, si vous êtes parti avant, un de ces quatre, on va retrouver une de mes petites culottes dans votre poche. Je t'écoute. Quoi ? Raconte. Quoi ? Votre histoire. Vous prenez des notes ? Si tu veux. Vous avez dragué Madame Filinge ? Quoi ? À midi, vous l'avez draguée ? Le réfectoire n'est pas le lieu idéal pour s'adonner à ce genre d'activité. Puis j'ai aucune raison de draguer Madame Filinge. Enfin, vous l'avez quand même remercié pour son gros pudding. Pour ta gouverne, sache qu'il s'agissait d'un phare au pruneau et non d'un pudding. Je sais pas qui c'est ma gouverne, mais ce que je sais, c'est que c'est pas avec ça que tu vas perdre du poids. T'as 10 minutes, je t'écoute. Vous vous dites quoi dans la salle des profs ? Mon père, il veut jamais me donner de détails. Il dit que c'est l'endroit où on dit tout ce qu'on peut pas faire. Il paraît que ça casse les élèves, hein. Ça se défoule bien, non ? Il te reste 9 minutes. Max et moi, on s'est rencontrés ici, dans un couloir. Il avait tagué ses initiales sur une porte. Il était trop beau, le tag. Max, il taguait comme un dieu. J'ai passé je sais plus combien de temps la vie entière devant son tag, c'est sûr, au moins toute la vie. Je crois que je suis d'abord tombée amoureuse de ses initiales. M.H. Dans la cour, j'ai demandé à Sonia d'aller le voir de ma part et de lui dire que je le trouvais trop beau et que j'avais envie qu'il tague mes initiales sur une porte. Je la regardais de loin, la grosse Sonia. Moi, j'ai pris exprès Sonia parce que c'est un boudin de compète, la plus moche de mes potes. Comme ça, au moins, j'étais sûre qu'il allait pas flasher sur elle, tellement c'est du gros ton rouge du Japon, la Sonia. Faut la voir, hein. Mais bon, elle est super gentille. Elle lui a parfaitement bien demandé ce que je voulais. Il y a que les moches pour bien demander ce genre de truc. Max, il est venu vers moi dans sa veste kaki, comme s'il était dans l'armée avec les écussons. Avec les écussons qui tuent. Il s'est approché, on aurait dit un défilé de mannequins. À lui tout seul. Je vous jure, j'avais les genoux qui cognaient. Trop la honte. Sonia, je lui ai dit dégage. Merci, merci, allez, à tout à l'heure, bisous, dégage. Elle, je la connais, hein. Elle serait restée là nous mater pour voir si on s'embrassait tout de suite. Merci. On s'arrête là, hein. J'ai ce qu'il faut. Quoi ? J'ai déjà pas mal de matériaux. Bah c'est quoi le matériau ? Ce que tu viens de me raconter, je vais écrire quelque chose à partir de ça. Mais il n'y a même pas le début, ça c'est le début du début que vous avez. C'est même pas l'histoire de Max et moi, c'est ce qui s'est passé avant l'histoire. La suite demain. Je vais attraper mon train là. Et après vous allez la publier, notre histoire ? Si nous en sommes satisfaits, pourquoi pas ? Vous garderez nos vrais noms ? Bien sûr. Faudra écrire une dédicace sur la première page. Il faudra dire que ce livre il est pour Max et Alix. Très bien. Faut arrêter d'écrire des livres sur rien, ça intéresse qui franchement ? Des gens très bien, des gens intelligents, figure-toi. Vous écrivez des livres que pour les gens intelligents ? Non. D'après ce que vous dites, c'est les gens intelligents qui s'intéressent aux livres sur rien ? J'ai pas dit ça. Ah, je pensais qu'il fallait avoir des diplômes pour lire des livres sur rien. Les gens intelligents n'ont pas tous des diplômes. De toute façon, vous feriez mieux d'écrire des livres qui veulent parler de quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai pas besoin de vos bouquins pour savoir que tout ça, ça sert à rien, que mourir c'est nul, que vivre c'est pas terrible non plus. Me taper 300 pages pour apprendre ça, ah, merci bien. Moi, ce que j'aime, c'est les livres où il y a une licorne. Max, il m'a embrassé tout de suite. Il a même pas attendu que je me présente à lui. La grosse Sonia, elle lui a dit ce que je voulais qu'elle dise et puis c'est devenu une statue dans la cour. La grosse Sonia. Tout s'est arrêté quand Max m'a prise dans ses bras. J'ai senti ses mains sur mes épaules, comme ça. Et puis il a penché sa tête. Et j'ai tendu mes lèvres. Attends, doucement, doucement. Quoi ? Doucement, quoi ? Tu vas trop vite. Bah si vous dormiez la nuit, votre compréhension, elle serait plus rapide. De quoi je me mêle ? Bon, ben, faut que je vous laisse. Salut. C'est tout ? Quoi ? Qu'est-ce que vous écrivez, là ? Une phrase. Une phrase à vous ? Oui. Vous la lisez ? Non. Pourquoi ? Parce que... Alors, c'est comme ça que vous écrivez ? Comment comme ça ? Bah, comme ça, quoi. Rien de spécial. Comme ça, rien de spécial ? Un écrivain qui écrit, je sais pas, je me disais que ce serait peut-être un peu spécial. Mais là, c'est pas spécial du tout. Vous écrivez, c'est tout. Tu croyais voir des anges voler autour de moi ? Bah non, mais c'est décevant. Salut. Le soir, j'ai appelé Valérie Filinge. Valérie le phare au pruneau, la mini-jupe. Valérie qui fait partie de ces rares spécimens de femmes que la littérature excite encore. Allô ? Valérie, c'est Rémi. Rémi ? Ah, Rémi, hein ? Ça me fait super plaisir que tu m'appelles. Comment ça va ? Écoute, j'avais envie de papoter. Et... Papoter. J'emploie le verbe papoter. J'avais envie de papoter. Je soupçonne la féminité outrageuse de Valérie Filinge de me contaminer. Pas votant. En fait, tu vis dans Paris même, Rémi ? Oui, près de Bastille. C'est pratique pour prendre le train le matin. Pas besoin de me lever trop tôt. Et toi, Valérie, je me souviens plus si tu me l'as dit. Moi, j'habite pas vraiment en Paris, non. Je vis à Melun même. C'est pratique, tu vois. C'est vraiment super que tu m'appelles parce que justement je me demandais à qui j'allais pouvoir me plaindre ce soir de l'éducation nationale et c'est disanglement. Non, t'es conne, je vais pas t'ennuyer avec ça. Enfin, ce collège c'est quand même du grand n'importe quoi. Rémi ? Toujours là ? Oui, toujours là. Qu'est-ce que tu faisais là ? Là. Avant de t'appeler, tu veux dire ? Oui, avant de m'appeler. Raconte-moi ce que tu faisais avant de m'appeler. J'étais aux chiottes. C'est aux chiottes que j'ai décidé d'appeler Valérie Filinge. Allô ? C'est en chiant que j'ai eu envie de l'appeler. De lui parler de Maximilien, d'Alix et du harcèlement que je subis. Allô ? J'ai eu envie de m'épancher. Avouer à Valérie, je hais les collégiens. Je hais qu'ils soient morts, je hais qu'ils soient vivants, je les hais. Oui, Valérie, excuse-moi, j'entendais plus, je capte mal chez moi. Oui, je te demandais matin, Rémi? J'écrivais. Ah, au roman? C'est ça. Ouais, c'est passionnant. Et comment tu travailles? T'es du genre à te projeter? Tu connais la fin de ton histoire ou tu termes d'un plan solide, d'une structure? Tu sais à l'avance ce que tu vas écrire? Moi, que les fables t'intéressent pas. Enfin, j'ai cru comprendre que les fables ne t'intéressaient pas. Bon, t'es peut-être du genre intuitif. Tu écris peut-être à l'intuition. Est-ce que il y a une part d'instinct pour toi dans la pratique de l'écriture? Tu perçois une forme d'animalité enfouie? Oui. C'est bien ce qui me semblait. Je me disais, c'est passionnant. Je peux te poser une question, Valérie? Au fait, merci encore pour ton phare au pruneau, il était succulent. Je t'en prie, Valérie. Je trouve ça tellement généreux de ta part de te rendre accessible à nos élèves. Les pauvres, ils en ont vraiment besoin. Comment te dire, Valérie? Comment te dire qu'à cause de ton phare au pruneau, j'ai passé une heure aux chiottes? Une heure dont le terme a été marqué par ce coup de fil que je commence à regretter tant je mesure que nous n'avons rien à nous dire, Valérie. Je hais les collégiens. Allô, Rémi? Et ils me le rendent bien. On dirait que ça coupe des fois? Oui. Bon, c'était sympa de te parler, Rémi. Excuse-moi, Valérie, mais la gamine du proviseur, tu la connais? Évidemment que je la connais, elle est au collège. Elle passe son temps au CDI, tout le temps fourré dans les bouquins, cette gosse. Ah bon? Ah oui. Encore plus depuis le... Tu sais bien, le drame. Mais son état psychologique, que penses-tu de son état psychologique? Elle est très, très fragilisée. Tu sais qu'ils sortaient ensemble avec le petit qui s'est pendu? Oui, je sais. Pourquoi tu me demandes ça, Rémi? Pour rien, elle fait partie des gamins qui passent me voir, c'est tout. Et... Ah oui, ça m'étonne pas. Et elle te parle? Elle te dit des choses? Soudain, honte. Honte à entrées multiples. Honte d'écrire ces pages merdiques pour cette gamine. Allô? Honte de lui avoir adressé des textos équivoques. Honte de parler d'elle à la documentaliste du collège, comme si je la trahissais. Je vais te laisser, Valérie. D'accord. Rémi, bien sûr. J'imagine que tu dois retourner à ton livre. T'écris plutôt la nuit? Ouais. Ou non. Comment répondre à Valérie Filinge qu'en ce moment, et depuis un certain temps, je n'écris ni le jour, ni la nuit? C'était sympa de t'apporter tous les deux. Oui, c'était sympa. Tu seras là demain? Oui, je serai là, oui. Dernier jour avant un mois de répit. Oh, c'est énorme. Un mois, c'est hyper long. Je dois passer qu'une semaine par mois au collège. Moi, j'obéis volontiers aux contraintes. Je peux venir sur Paris si vous voulez qu'on continue l'histoire. T'as une heure d'études dans la journée? Entre 3 et 4. Bon, passe-moi voir. Je te proposerai des exercices. Je récumulerai le matériau nécessaire pour écrire dans les semaines qui viennent. Et le mois prochain, je t'apporterai les pages. Faut que j'attende un mois. À tout à l'heure. C'est qui elle? Elle veut quoi? Yasmine, une élève de 3e. Mais je sais que c'est Yasmine, mais pourquoi là, ça a cette tronche qui dépasse là? Elle veut quoi cette bolosse? Ah, justement, ça prend la langue. J'ai donné un petit travail à faire. Elle aime bien écrire, j'imagine que. Elle vient me montrer ce qu'elle a fait. Yasmine Farouk. Quoi? J'ai dit à mon père que c'était plus possible les petits pois. Vous en avez mangé, vous, des petits pois? Oui. Bah ouais, forcément, vous êtes là qu'une semaine par mois, vous pouvez pas vous rendre compte. C'est le truc le plus tendance au collège en ce moment. On va finir tout vert avec des têtes rondes. Moi, je lui ai dit à mon père, il me dit que c'est pas vrai. Moi, je lui dis que c'est vrai. Assieds-toi. Elle est partie, la grosse Yasmine qui pue? Yasmine ne pue pas. Mais elle est grosse. Bon, tu sors une feuille de papier, un stylo. Si je vomis des petits pois, c'est pas de ma faute. Passe pas. J'arrête pas d'avoir des renvois, là. Charmant. Quoi? C'est humain, les renvois. J'ai pas le droit d'avoir des renvois? Alors, c'est bien ce qu'elle écrit, Yasmine? Enfin, pas mal du tout. Elle sait même pas écrire. Elle veut juste se donner un style, elle en a même pas. En plus, elle a les dominos tout de travers, là. C'est un peu des dents, à ce point-là. Et les boutons qu'elle a. Franchement, son meilleur ami, c'est le sébum. On peut commencer ? Petit poids. Bon, j'aimerais que tu notes 10 souvenirs. Ceux que tu partages avec Maximilien, que tu as partagé avec lui. Heureux ou malheureux. Mmh. Une phrase par souvenir, tu développes pas, comme un générique. Pourquoi 10 ? Parce que... C'est tout ? C'est tout. J'en ai déjà 3. C'est bien. Ça, 11. 10, j'aime pas. 11, c'est bien. Et encore, normalement, je préfère 14, vu que c'est mon âge. Tiens, donne. Yasmine, entre nous, ça valait pas ça, non ? Maintenant, tu vas ouvrir ces livres, les uns après les autres, dans l'ordre que tu souhaites, autant de fois que tu le désires. Tu vas produire un inventaire des fragments sur lesquels ton regard tombe au fil des pages. Les fragments qui t'intéressent, ceux qui te séduisent ou... ce qui te révulse. Ce... Au hasard ? Au hasard, oui. Tous les livres, au hasard. Le hasard a sa propre créativité. C'est en compagnie du hasard que je voudrais que tu opères tes choix. Fragment, ça veut dire quoi ? C'est un mot, ou une petite suite de mots. Pas une phrase entière, un maximum de 3 mots qui suivent. Je garde combien de fragments ? Une quinzaine. 14. Quand Maximilien a tagué mes initiales sur la porte d'une armoire électrique, en plein jour de la main gauche, pendant qu'avec la droite, il me caressait les cheveux. Trop de la... Je hais ces exercices. Ah, double. Je hais les ateliers d'écriture, c'est pas mon truc. Faire écrire les autres. J'ai horreur de ça, farfouiller dans les autres comme ça. Il m'a dit c'est un fou. Sur la table, j'ai disposé 5 livres, choisis presque au hasard dans ma bibliothèque. Le hasard, c'est toujours presque. Le hasard existe presque. Nos baisers dans la cour devant tout le monde. Toutes les fois où on a pris un RER sans billet. Et puis quand on est allé à Barbizon... Richard Brautigan, Il pleut en amour, Claude Simon, La route des Flandres, Franz Kafka, Protecteur, Samuel Beckett, Premier amour, Francis Ponge, Le parti pris des choses. Quand on s'est disputé la première fois à cause de cette grosse tempe là de Mathilda, qui fait genre non, je l'ai pas maté, ton cum, rien à foutre, il est trop moche, ouais tu parles, grosse tempe, tu baves rien qu'à le voir. Mathilda, faudrait la chaise électrifiée. Je suis assis dans cette salle de classe presque par hasard. J'y ai rencontré presque par hasard un garçon de 15 ans qui me traitait volontiers de gros gay. Il est mort, presque à cause de rien. Ce rien que je cherche en écrivant et qui finit par envahir ma vie. Oh, il m'a fait l'amour, la première fois. En speed, mais trop bien. Et puis les autres fois, moins speed, mais de mieux en mieux. J'aurais presque pu le sauver. Je l'ai peut-être, sans le savoir, presque convaincu de faire un nœud à sa corde. Son chien, qu'il avait appelé Barjou le Corneau, et qui me reniflait toujours là où il faut pas renifler. Un livre est presque dangereux, presque par hasard. J'ai presque désiré cette gamine devant moi. J'ai presque envie de rentrer chez moi pour ne plus jamais en sortir. Ah oui, et puis les glaces à la pistache, bien sûr. Je peux pas oublier les glaces à la pistache. Voilà. Merci. C'est tout ? C'est tout. On va quand même s'envoyer des textos. Si je ne réponds pas, ne le prends pas contre toi. Vous voulez que je le prenne contre qui ? Le mois prochain, je t'apporterai ton texte. Ce sera le texte que j'ai écrit pour quelqu'un. Ce sera pour toi. Le mois qui a suivi, je n'ai pas rappelé Valérie Filinge. Elle ne l'a pas fait non plus, ce que j'ai pris pour une preuve d'intelligence. Je n'ai pas répondu à la dizaine de textos qu'Alix m'a écrits. J'ai fait la promesse à Marie-Claire de l'emmener à Rome en juin. J'ai essayé de surveiller mon poids et ma consommation de tabac. J'ai écrit 10 pages de l'histoire de Max et Alix. Rien écrit d'autre. Ces 10 pages-là que j'ai imprimées, qui sont dans mon sac, que j'ai presque de la joie à lui offrir. Ce matin, j'ai retrouvé l'épaisseur de l'air dans les trains de banlieue. Et cet appareil invisible... installé dans chaque wagon qui sert à mesurer la lourdeur des villes et la dépression du pays. C'est une machine que je ne suis pas le seul à voir. Quand j'arrive au collège, les gamins sont dans la cour. Ils forment duo, trio et quatuor. Certains sont coupés des autres par un casque audio. Ils attendent la sonnerie. Je cherche Alix des yeux. Je pense à ces 10 pages qui ne pèsent presque rien. Bonjour Valérie. Bonjour Rémi. Comment ça va Valérie? Tu sais... De quoi? Tu sais, on est encore un peu sous le choc. Quel choc? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Un de nos gamins, encore un. La fille du proviseur. Ah, c'est terrible. Ça nous en fait quand même 2 en l'espace de quelques semaines. Elle s'est... Moi, je suis toute chamboulée. Hein. On l'a retrouvée dans sa chambre avec des médicaments. Elle est morte à l'hôpital en arrivant aux urgences, il paraît. Son cœur s'est arrêté quand ils l'ont sortie de l'ambulance. Je te dis pas l'ambiance dans la salle des profs. Alors... Alix? Non. Et là, Valérie m'emmène dans un pays inconnu. À dos de l'écorne, nous allons plus loin que nous-mêmes. Nos corps enfoncés dans le bitume. Valérie a cette phrase. Non, mais la fille du proviseur s'appelle Mathilda. C'est la petite Mathilda. Tu l'avais pas rencontrée? La petite qui s'est tuée s'appelle Mathilda? Mathilda, oui. Elle était en 3e dans la classe de Maximilien. Bon, t'as dû la croiser, c'est sûr. C'était sa chérie, un des grands couples du collège. Mais là, ça va sur les cheveux, t'imagines? Il est anéanti. On va le remplacer, je sais pas comment il peut continuer dans son état. Sa chérie s'appelle Alix. Je la connais. Elle vient me voir dans la salle d'écriture. Et on papote. La fille du proviseur s'appelle Mathilda. Rémi, on en a parlé ensemble. Elle était toujours fourrée dans les bouquins. Et une très jolie jeune fille, rousse, assez grande. Il y a combien de filles, le proviseur? Il y a combien de filles? Une seule, Mathilda. Et c'est terrible quand t'as qu'un seul enfant. Se croire au milieu des choses et passer à côté de tout. Hein. Enfin, c'est difficile à encaisser, hein, c'est vrai. Moi, je sais pas ce qu'on va faire de notre jeunesse. Excuse-moi, Valérie. Faut que je te laisse. Bonjour. Bonjour, Alice. Alix? Arrête. Quoi? Alice Fischer. Quoi? Ne m'explique pas. Quoi? Tous les mensonges. Ne m'explique pas. Mais des mensonges? Quels mensonges? Voilà ton histoire. Alors c'est vrai, vous l'avez écrite? C'est bien? Merci. Je suis pas une menteuse. Je préfère Alix à Alice, c'est tout. J'ai le droit d'être amoureuse. C'était Days of Nothing de Fabrice Melchior. Réalisation Christophe Hoquet. Avec Grégoire Mont-Saint-Jean, Inas Chanty, Yvan Cory et Bénédicte Serruti. Et les voix de Victoria, Mam, Océane, Alice, Blanche, Roselyne, Khalil, Mathieu, Sofiane et Quentin. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Éric Villenfin et Maëlle Aunave. Bruitage, Sophie Bissante. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Remerciements à Madame Busson et aux élèves du Collège Françoise Dolto, Paris 20e.